le regard qui tue, fait tourner la tête. Son corps, son visage, ses mots, sa voix, ses manières. J'ai pris l'habitude, le baisse sur les nerfs. Oh, mon cœur le prend pas mal en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Et choque, choque, choque depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse en logis reprogrammé. J'fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. J'veux pas voir mes boulets, les ennuis et la police. Et tu tapes, tapes, tapes comme tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens n'aiment pas te voir réussir, c'est la folie. Je les choque, choque, choque depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse.